décembre 92. Atterrissage à l'aéroport de Marignane avec aucune connaissance à part celle de mon village. Après quelques années passées en France, je suis devenu ce corse parfait bête dans la scolarité. Maman me disait ne mens jamais, sois toujours honnête et je serai fier de toi mon bien-aimé. Elle disait qu'elle voyait mon avenir dans mes yeux, que j'allais devenir avocat et pas mafieux. J'étais d'accord avec elle mais voilà, à l'âge de 12 piges je deviens ce petit con, ce petit canari condamné dans la connerie. Papa voulait que je continue à ramener de bonnes notes, mais attiré par la mauvaise fréquentation, je me dirigeais vers la faute. J'ai commencé à m'en battre les couilles de l'école, je captais plus sa fréquence. Je traînais de plus en plus dans les rues, et c'est de là que je suis devenu ce gamin infernal. J'arrive à l'adolescence, l'époque du petit bordel, l'époque de l'insouciance et les profs qui nous harcèlent. Entre études et amusements, j'ai fait mon choix. Évidemment, je m'ennuyais, trop de cours, j'ai perturbé au fond de la classe. Sur la table, je m'allongeais, bagarreur, mes camarades, je m'admenais. Mon père est en colère, ma mère, c'est la même, avec moins de caractère, mais rien à faire. Je traîne, erre avec des frères de la subu, mes frères de la rue, avec qui les aventures continuent. Entre rêve et réalité, le mal me tourne autour, et je risque d'y tomber sans détour. Je suis pris dans l'engrenage du bitume, le béton. Sa vie et son langage de charbon, son shit et ses braquages. Toujours un mauvais dans une famille, un coup du sort. À coup sûr, c'est moi, à un peu ta majorité. Je suis flou dans mes priorités. Que me préserve la vie, j'en ai aucune idée. Je cherche la lumière qui doit me guider. Mais pour l'instant, je suis dans le noir. Ma haine se nourrit du désespoir. Chaque choix que je prends, m'enfonce dans le coup. Si tu savais à quel point je souffre, oh mon. Maturité entre le bien et le mal. Tous mes espoirs sont tiraillés. Mauvaise fréquentation oblige à bannir toute ma famille. Le fait de vouloir croquer la vie m'a conduit à la famine. Dans ma tête c'est la folie. J'arrête l'école dans la foulée. L'argent me fascine ma folie. Du bling bling j'ai raffolé. Qu'un diplôme à mon actif mais pas celui de la natation. Je suis un homme désarmé seul face à la nation. L'heure est venue de me réveiller, de prendre la vie comme elle se doit. Quoi qu'il en soit je vais faire des choix, espérant que ça sera les bons. Charpenter ce chemin sombre qui me paraît obscur. Aussi obscur que ça un titre fait d'obstacles et de brume. Entre le fric que je me suis fait, les gens que j'ai tardé, le respect que j'ai gagné, c'est mon destin que j'ai tracé. J'ai dessoudé mes détracteurs pour être le seul détenteur. Malheureusement, un coup de trop, j'atterris derrière les barreaux. Me voilà aux arrivants, déjà en train de dériver. Entre bagarre et guerre de clan, ma vie se résume à baigner dans le sang. Sentir les bons coups chez nous, on savait faire. Mais quand je rentrais dans cette bande, crois-moi, j'ai manqué de flair. La police me pistait et m'attendait de pied ferme. Et me voilà condamné pour une peine de 10 ans ferme. Maintenant que je suis enfermé dans cette cage, je sens passer mes camarades avec qui j'ai brassé des liasses. J'ai la rage, j'ai fait du mal à mon entourage. En plus de ça, j'arrive pas à tourner la page. Mon passé de délinquant me rattrape. Au mi-temps, je reçois des lettres en disant je suis la star. Désolé, je suis qu'un simple ascar. Karaté son coup, il me tarde de ressortir. Que je refasse des sous, car la justice voudrait me voir avec la corde au cou. Mais pour l'instant, je me creuse la tête à coups de pelle pour sortir de ce trou. Malgré les séjours au trou, j'ai un coup. Que me préserve la vie, j'en ai aucune idée. Je cherche la lumière qui doit me guider. Mais pour l'instant, je suis dans le noir. Ma haine se nourrit du désespoir. Chaque choix que je prends, m'enfonce dans le coup. Si tu savais à quel point je souffre, oh, m'en ouvrir le tort. Enfin dehors, fini de voir ce vieux décor, recevoir des ordres. Fini d'être maté tous les matins par ce matin car je suis trop mat. Mais bon c'est la prison, tout le monde il est trop mal. Mais bref passons les temps de faire de l'avant. Oublie les réflexes d'avant et surtout ne pas se remettre à la vente. Je me fais trop vieux pour avoir les flics aux trousses. Faut plus qu'à chaque fois ça tape à la porte j'ai la frousse. J'ai décidé d'être droit, de déposer des CV. Avec mon parcours de tolard mes chances étaient décédées. Décidé et motivé même, plus que motivé. Quand on veut on peut, mais qu'ils veulent pas qu'est-ce qu'on fait. Merde, que faire, retournons au charbon. Faire des caisses, des brins, des braquages à la gâche. J'en crois que je suis plus de taille. Dans ces ghettos, je prends trop dans le taille. Faut que je me taille et faire un choix avant mes funérailles. Si je revois mes choix, ben seul a été pris avec réflexion. Comme si mes idées étaient en compromission. Aujourd'hui, je dois rendre des comptes. Peser entre le pour et le contre. Assez vécu pour en tirer une leçon. J'avoue, mes choix n'ont pas été bénéfiques. La preuve, j'ai fait un saut au pénitencier. Il est peut-être trop tard, j'arrive à la mi de ma vie. Il est peut-être trop tôt pour penser qu'elle soit finie. J'ai encore l'ultime choix, tant que mon cœur bat. Pris le sang de morale quand j'ai su dans le corps de ma femme. Deux cœurs battés, faut-il attendre tout ça pour pouvoir changer. 30 ans vécu pour 30 secondes de réflexion. Me ranger, mais comment aucun diplôme incasé qui rappelle en que j'étais pressé. Mes choix vont assumer. Chérie, j'ai décidé de.